Ouais. Génération shit et grec frit. Ok. J'ai les petits levis et vis, et deal de quête et deal de shit. Ils visent le chiffre, veulent inonder le marché comme le textile de Chine. Rien qui se déchire, tout s'y délire. S'en sortir, c'est une affaire débrouille, c'est dur de se faire comprendre. Comme un sourd et muet avec des moufles, avec des soupins. Et qu'on a le bonheur, donc eux aussi les veulent. Ils ont des idées folles, et rêvent du vol d'Océanie les fun. Le matin, dur de se lever comme pour un mec qui tape à la poste. Si t'as pas l'album, c'est rien, cousin, je m'en tape que le succès tape à la poire. On caburoniaque, c'est on résiste comme Ivan Colonna. Buveur de Corona qui garde le seum de l'époque coloniale. Encore en bas, et si un jour ça marche, faut que je reste un gars bien. Incité au moins. Pour de la maille, c'est pas mon gagne-pain. Au lendemain d'avantaine de mon enfance, j'arrive à terme, toujours à terre. Juste une balade de plus à l'arrière de ma tête. En 2007, je fais le bilan, on n'a pas vu le petit grandir. Je reste un gosse à part la tise, à remplacer les friandises. Ce sont des têtes brûlées. Écoutez, nous savons tous deux que personne n'était prêt pour une telle épidémie. Le crack a enflammé la ville comme une traînée de poudre. La poisse est au sommaire, ils s'orientent tous vers le hardcore. Car ici trop souvent sommeil, rime avec cancer de la gorge. On fait flipper comme une pute à gaz. Sarko et ses putes magas, ils veulent te raqueter comme les condés dans les rues de Dakar. Des revues de cul dans les cartables et ça se bagarre comme méga crack. Sous éduqué par les gardables, génération de la méga drague. J'ai beau dormir sur des dragrades, un verre de sky et tous colores. Je n'en colère, traité de connard depuis l'époque des trucs colores. C'est bien beau dire qu'il faut pas nurer, qu'il faut paniquer le rôle. Sans bédon, on panique, j'ai pas le moral, la compagnie créole. Pas d'auréole, on encule les huissiers et la garde. Ou alors regardez, l'idole des miens, c'est plus Bruce Lee, c'est la gardère. C'est plus des jeunes, c'est des pitbulls. C'est plus l'époque de Betty Boop que des clics boom. Quand la Big Craft serait plus en poids que le baby boom. Ici je suis rien, j'analyse le terrain comme un paysagiste. Même si je fais ça pour rien, j'aimerais percer comme les pays d'Asie. Perdu entre deux mondes, toujours le cul entre deux bancs. On a beau bien les tenir, on peut rien faire quand les murs s'effritent. Je fais ni partie des petits et je fais ni partie des grands. Mi adulte, mi enfant, génération shit et grec free. Perdu entre deux mondes, toujours le cul entre deux bancs. On a beau bien les tenir, on peut rien faire quand les murs s'effritent. Je fais ni partie des petits et je fais ni partie des grands. Mi adulte, mi enfant, génération shit et grec free. La vie fait pas de gâterie, faut que je me refuse tous mes caprices. Rien n'est gratis pour faire le plein, faut emprunter chez médiatrice que dégatrice. J'ai l'humour noir de Pierre Desproges et Charlie Chaplin. Même si mon style s'abuse, j'serais pas partie des stars qui tapinent. Pas encore au tapis, j'pourrais mettre bien mais pas en France. On me dit tout le temps fais pas l'enfant, moi j'grandis pas et j'parle enfant. J'entends toujours parler des mêmes la rue, ils sont tous fidèles. J'ai traversé des mers, pourtant j'me suis noyé dans une bouteille. J'ai perdu, mais j'vais me refaire comme la gueule à Madonna. J'ai le mal de crâne comme tous les jeunes domiciliés à Max dans moi. La légalisation, j'suis ni contre et j'suis ni pour. Vu tout le goudron dans mes poumons, j'pourrais boucher plusieurs nids de poules. J'ai l'impression que j'ai plus de faussaire, j'fais qu'avancer, j'suis comme un bulldozer. J'suis payé le 28 au soir. Le 29 j'ai plus d'oseille. J'évite la 16, j'enferme l'home studio et j'kiffe la scène. Rappeur qui fume le shit la zeb. Ouais Hugo Boss c'est pas Benis Nasser. Perdu entre deux mondes, toujours le cul entre deux bancs. On a beau bien les tenir, on peut rien faire quand les murs s'effritent. J'fais ni partie des petits et j'fais ni partie des grands. Mi adulte, mi enfant, génération shit et grec free. Perdu entre deux mondes, toujours le cul entre deux bancs. On a beau bien les tenir, on peut rien faire quand les murs s'effritent. J'fais ni partie des petits et j'fais ni partie des grands. Mi adulte, mi enfant, génération shit et grec. La poussière dans les poches, une triste époque que des gamins du père pour faire les pornos. Téléphone en plus de plus qu'un chat du bled, ouais c'est la merde. Mais c'est pas de ma faute si tu t'es fourré dedans. Pas de couplet tendre, crois pas que t'as la sagesse. Même si t'as toutes tes dents, tu fais pas la table, si t'as pas la main normale. Qu'on ait la rage à la fin, pas de lambda la dame. Même en plein air, y'a comme une odeur de cage à la fin. Un petit malin, si t'as un gars bien, je vais pas jouer le chien. Moi les soucis, on est soudés comme les sourcils d'Emmanuel. Chien, la ruche, là que tu crois pas, mais vas-y, mate ma rue. Ou tous les maths la pue, normal que les petites bandes devant la mafia russe. Le rap m'a eu, et même si les flics me prennent de haut, je compte pas sur la big rap pour avoir les poches pleines d'euros. Perdu entre deux mondes, toujours le cul entre deux bancs. On a beau bien les tenir, on peut rien faire quand les murs s'effritent. J'fais ni partie des petits et j'fais ni partie des grands. Mi adulte, mi enfant, génération shit et grec free. Perdu entre deux mondes, toujours le cul entre deux bancs. On a beau bien les tenir, on peut rien faire quand les murs s'effritent.